Audiomatique. L'émission Audiomatique de ce mercredi 11 février 2015 s'amorçait avec la formation française Trisomie 21, formée des frères Philippe et Hervé Lompré. Ils nous présentaient la pièce de Golden Age qui ouvre leur album Works, paru en 1989. Jusqu'à 19h, les électronistes vous accompagnent avec de la musique électronique au sens large, c'est-à-dire sans restriction de genre, et en vous présentant des artistes évoluant dans divers courants et puisant leur influence dans divers styles musicaux. Comme la musique est la raison principale des transmissions d'Audiomatique, écoutons sans attendre le projet Drift qui nous offre sa pièce Cisalien. Thank you. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. C'était Calle 13, une formation portoricaine qui concluait cette séquence musicale avec la pièce Baile de los Pobres tirée de son album Entren los que quieran. Comme vous l'avez constaté, il s'agit d'une formation qui ne se confine pas à un seul genre, mais mélange un peu de tout, notamment du reggae, du folk, de la musique du monde, la musique latine aussi, et bien évidemment des sonorités électroniques. Avant Calle 13, c'était Midbeat Manifesto et la composition Hellfire. C'est une pièce qui paraît sur l'avant-dernier album intitulé Autoimmune, sorti en 2008. Rappelons que Midbeat Manifesto a fait ses débuts en 1987 avec un son mélangeant le dub, le funk et l'industriel. Et nous débutions la séquence à l'émission Audiomatique avec le projet Drift et la pièce Cisalien de son plus récent album intitulé The Blur Vent. Drift, c'est en fait le projet de l'Américain Mike Cadu, aussi connu pour sa participation à la défunte formation Gridlock. Poursuivons sans plus s'attarder en musique audiomatique avec le groupe de Québec Hypnos et la chanson Sablier. Échappera la date butoir. encore dans ses viscères. Mais malgré tout, il court, espère. Loin, il s'enfuit. En lui, il s'enfuit. Ce corps qui vieillit, tempo qui ralentit, le temps. Malgré tout, il court, espère. Blades hemmed in, a simulation swimming through the Audiomatique, nous avions droit au groupe islandais Gossgus et la chanson Blue Mug de leur troisième album This Is Normal, lancé en 1999. Tout juste avant, c'était The Legendary Pink Dots avec City of Needles de leur album Shadow Weaver et pour débuter, le groupe de Québec Hypnos, qui n'existe malheureusement plus, et qui était formé par la chanteuse Julie Tremblay, le guitariste et claviériste Éric Gagné et le batteur Frédéric Talbot, qui nous présentait la chanson « Sablier » de leur album « Acousmatique ». On retourne maintenant dans les années 90, plus précisément au milieu des années 90, pour les deux prochaines pièces qui constitueront la séquence musicale Entendons d'abord un groupe bien connu, à savoir Orbital, duquel nous écoutons une version enregistrée en concert de leur pièce « Satan ». Thank you.

Nous entendions à l'instant la formation Total Harmonic Distortion, mieux connue sous l'acronyme THD, avec la pièce Master Chemist qu'on retrouve sur leur deuxième album intitulé Outside In, paru en 1995. Et la pièce qui ouvrait cette séquence musicale provenait du groupe Orbital. Nous écoutions une version live de la pièce Satan, version enregistrée lors d'un concert à New York et qui se retrouve sur le CD bonus de l'édition double de l'album Insides, sorti en 1996. C'est presque tout pour cette transmission 019 d'Audiomatique. Nous espérons que vous avez su apprécier les sélections musicales que nous avons retenues pour vous. Sachez que nous sommes rediffusés les samedis à 20h sur les ondes de CIFU et que vous pouvez réentendre toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion en suivant les liens que vous trouverez sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Pour clore l'émission, nous entendrons le groupe montréalais Plaster et leur célèbre pièce Erectus de leur album First Aid Kit. Restez à l'écoute car les Audacieuses suivent dans quelques minutes avec une programmation qui se poursuit en direct de la station de ski Vallée du Parc. Mais tout juste avant, voici le groupe Plaster et leur composition Erectus. Thank you. Thank you.